J'étais près d'un vieux monsieur au concert l'amoureux. On venait d'y jouer du Lully, du Mozart, du Puccini. Ce brave homme à mes côtés ne cessait de chanter. Me citait en connaisseur le nom des compositeurs. Ça c'est du Wagner, ça du Verdi. Je lui dis, chacun dans la vie a sa technique. Vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Je sais distinguer de façon très nette une contrebasse d'une clarinette, un trombone, d'un saxo, d'un piano. Je ne confonds pas Werther et le roi Dagobert, le boléro de Ravel avec Cadet Roussel. C'est comme ça dont j'ai le sens pratique. Vous en faites pas, je connais la musique. Je distingue aussi même les yeux clos, un mélomane d'un vieux ballot. Tout au-dessus de chez moi, au sixième sous les toits, vivait un couple d'amoureux, ils étaient branques tous les deux. On le disait très jaloux, hier j'entends des coups. Devant ma fenêtre, je vois passer une chaise, un saladier. J'appelle le concierge, pourquoi s'écrit ? Il me dit, chacun dans la vie a sa technique. Vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Chaque fois que la jalousie l'aveugle, faut qu'il fasse du swing avec ses meubles. Là le piano et leur poste de radio. Ça continue de descendre, voilà leur salle à manger. Mais jamais ils ne jetteront 50 kilos de charbon. Fort heureusement, j'ai le sens pratique. Moi aussi, je connais la musique. J'ai ma fille aînée qui va se marier. Ils me fournissent tout son mobilier. En amour, parce que je la connais, la musique. Allez, la gamme chromatique des grands serments. L'amour majeur, l'amour mineur. Les trémolos, les pauses et les soupirs. Les marches triomphales. Et les valses hésitations, va-t'en, reviens, pars sans te retourner, mais retourne-toi avant de partir, nom d'un chien. Et les grandes envolées musicales, je t'apporte mon cœur, mais prête-moi 50 balles. Et les mauvaises harmonies qui finissent par des fausses notes, avec des coups de pied dans la culotte, ça c'est du hot. Alors voyez que je m'explique et que moi aussi je la connais la musique, hein. Connaissez-vous le grand Titain du faubourg Saint-Martin? C'est un type qui sait nager, qui n'est jamais submergé. Il vous vend des haricots à 50 francs le kilo, du savon à 12 francs le pain qui mousque le lendemain. Mais c'est du marché noir qu'on lui dit, il sourit. Chacun dans la vie a sa technique, vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Voulez-vous une très jolie volaille, aussi solide que de la pierre de taille? 300 balles, c'est pas mal, c'est pas trop. C'est un poulet de 5 ans qui est mort rhumatisant. J'ai aussi un lapin, c'est le chat de la mer, ton pain. Que voulez-vous, j'ai le sens pratique. Avant tout, je connais la musique. Je suis prêt si vous êtes acheteur à vous vendre ma femme et ma sœur.